Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Philippe Albanel. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2021, le podcast il est soutenu par la NEF, qui est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Ils sont basés à Lyon. Et nous, d'ailleurs, on est à Lyon avec toi, Philippe. Tu es le fondateur du café Dadi. On est sur le plateau de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement. Et avec toi, on va parler de liens intergénérationnels. Plus largement, on discutera de l'importance de favoriser la rencontre entre les générations, de lutter contre l'isolement dans nos sociétés individualisées et individualistes. La première question que je te pose, Philippe, c'est la première question que je pose à tout le monde dans ce podcast. On est justement dans un café où tu rencontres de nouvelles personnes. Arrive fatalement la question qu'on pose absolument tout le temps. Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Tu réponds quoi à cette question ? Alors, c'est une très bonne question. Souvent, je leur dis que j'ai une double casquette. À la fois, je m'occupe d'une structure d'aide à domicile au sein d'un réseau qui s'appelle Senior Company, du coup, pour accompagner des personnes en perte d'autonomie. Et ma deuxième casquette, c'est du coup, chez Dadi, de m'occuper de créer des lieux de vie où on favorise la rencontre entre les générations dans la convivialité avec une dimension d'entraide. Ouais, et c'est d'ailleurs, je t'avoue moi, pour cette deuxième casquette de chez Dadi que je t'ai d'abord découvert, puis contacté, et aujourd'hui sur lequel j'ai envie de te donner la parole et j'ai envie de t'entendre. Si on gardait seulement cette casquette, qu'est-ce que tu dirais pour caractériser ce métier ? Est-ce que du coup parce que tu sais souvent on dit moi je suis fondateur, etc., mais en fait fondateur ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce que tu fais concrètement et quel mot tu lui donnerais à ce métier en imaginant qu'un jour, il y a plein de personnes qui vont porter et avoir ce même métier que toi? Ouais, alors moi, la première chose sur ce métier, c'est que c'est un métier où je suis bénévole. Du coup, c'est vraiment... J'ai cette chance-là, c'est d'avoir un autre métier à côté où j'ai du temps, mais qui me permet de vivre financièrement. Du coup, du temps pour consacrer sur quelque chose que j'adore, qui me passionne, qui est imaginer des lieux où effectivement favoriser cette rencontre entre les générations. Moi, c'est vraiment un sujet qui m'a interpellé, notamment avec cette casquette de gérant d'aide à domicile. Et du coup, sur qu'est-ce que je fais concrètement, c'est toute la partie, on va dire, pas mal partenariale. Moi, c'est vraiment une partie dans ce métier que j'aime bien, de trouver des partenaires, de convaincre des financeurs, des pouvoirs publics sur la nécessité d'avoir des lieux comme ça. Toute la dimension aussi un peu financière et stratégique sur toute cette dimension de concept que nous, on est encore en train de créer et qui est encore très jeune. Et du coup, sur réfléchir sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et voir comment on arrive toujours à s'améliorer. Ouais, c'est ça qui est parfois presque un peu déroutant avec les personnes qui créent des nouveaux métiers. J'aurais quand même tendance à dire que ça, cette partie gestionnaire d'un café intergénérationnel, c'est vraiment un nouveau métier. C'est que parfois, en fait, du coup, vous êtes tellement occupé à défricher qu'on sent que le métier est lui-même en création et donc voué à évoluer. Tu dis tout de suite que tu es bénévole. Est-ce que ça veut dire que, en fait, à terme, dans une société où on aurait tous un revenu de subsistance, un revenu de base, un salaire universel, on l'appelle comme on veut, ça pourrait être typiquement l'occasion de permettre aux gens d'avoir des métiers comme les tiens, ou est-ce que ça veut dire qu'en fait, à force de voir le modèle économique évoluer, vu que vous êtes en train de tester plein de choses, tu pourrais tout à fait te retrouver un jour à être salarié de ce métier-là ? Oui, c'est une possibilité. Effectivement, je trouve que moi, aujourd'hui, j'ai cette chance-là par rapport à effectivement, ma situation personnelle de pouvoir le faire. Mais l'objectif, c'est que demain, des personnes qui ont envie de créer des lieux comme chez Dadi, ils puissent le faire et en vivre. Moi, j'ai de la chance aussi, c'est que derrière chez Dadi, il y a une équipe qui est super, il y a des salariés qui sont beaucoup plus, on va dire, gestionnaires que moi, parce que moi, j'aime bien rêver et j'aime bien, effectivement, imaginer des solutions. Mais après, heureusement qu'il y a des personnes chouettes pour les faire vivre concrètement. Ouais, donc toi, tu rêves et puis ensuite, il y a des personnes derrière qui sont les mains dans le cambouis pour concrétiser tout ça, c'est ce que tu dis ? Voilà, un petit peu, ouais. Et justement, tu parlais de ton autre casquette. J'ai lu, j'ai entendu que tu avais quand même un engagement solidaire qui était pas récent, hein, c'est quelque chose qui est ancré. Est-ce que tu peux nous raconter très très rapidement voilà ce parcours qui précède la création de chez Dadi et qu'est-ce qui t'a amené à l'idée de te dire mais en fait bien sûr un café intergénérationnel c'est absolument ce qu'il faut créer. Ouais. Moi on va dire le truc qui m'a toujours habité, enfin toujours depuis que ma mémoire ne fait pas défaut, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est quelque chose, depuis très jeune, j'ai toujours eu envie de créer des choses. Par contre, l'entrepreneuriat social est arrivé un petit peu plus tard. C'était à Noël, je crois que c'est mon frère qui m'a offert un livre de Mohamed Younous sur un peu le concept de social business que j'avais lu. Et à ce moment-là, c'était un moment où j'étais en quatrième année, je faisais une école de commerce, en quatrième année d'école de commerce. Et c'est là où ça fait tilt en moi en me disant « bah, en fait, c'est ça que je veux. Moi, j'ai besoin d'avoir du sens dans ma vie. Créer une entreprise, c'est génial. Mais effectivement, créer une entreprise où on sait qu'en plus, on répond à un besoin social, bah ouais, enfin, pour moi, ça a vraiment fait tilt. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me renseigner avec un ami. On est parti. Moi, j'ai fait un échange en Inde avec un ami. Après, il m'a rejoint. On est allé au Bangladesh à la rencontre un petit peu de ce qu'avait créé Mohamed Younous. On avait après rencontré, on est un peu parti à la rencontre d'acteurs du changement. Avec ce même ami, un petit peu plus tard, on est parti. On a fait un voyage. On a fait Paris, Téhéran, Paris en voiture électrique pour aller à la rencontre d'acteurs du changement et du coup un peu ce que tu fais aussi avec ce podcast de s'inspirer de choses qui existent, de choses qu'on avait. Moi ça m'a vraiment m'a dit ah ouais il y a des choses à faire et j'ai envie de faire partie de ce mouvement et voilà donc c'était un peu le déclencheur. J'ai eu une petite expérience professionnelle où j'ai travaillé chez Emmaüs Défi où j'encadrais des salariés en insertion ce qui pour moi aussi a été, même si j'ai fait que 6 mois, a été vraiment quelque chose où bah, j'étais dans le concret, je me rendais compte voilà, de à la fois les difficultés sociales que pouvaient avoir les personnes que je travaillais et en même temps bah, leur richesse. Et c'est ça où je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vraiment là-dedans que je m'éclate. Et c'est là où, à cette époque-là, j'étais très jeune et je m'étais dit, je ne me sentais pas de créer quelque chose seul. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le réseau Senior Company pour créer une structure d'aide à domicile en me disant, là, il y avait à la fois cette dimension sociale d'un secteur qui recrute beaucoup de personnes pas toujours très qualifiées, plus comment accompagner bien nos aînés et en même temps un secteur qui permet d'en vivre financièrement et voilà, c'était un peu ça mon point de départ et en fait, je me suis tellement éclaté dedans, j'ai découvert des enjeux énormes sur comment bien vieillir en France, comment lutter contre l'isolement et voilà, et je sais que maintenant j'ai à peine une certitude parce qu'on sait pas ce que sera fait demain, mais où je me verrai presque sûrement toute ma vie être dans ce secteur-là, avec sûrement, moi, comme j'ai besoin de créer tout le temps, faire plein de choses différentes, créer de nouvelles structures. Mais en tout cas, là, je trouve que je ne me lasserai jamais sur tous ces enjeux-là. Deux questions, et donc avant de continuer sur ces sujets de la silver economy, on appelle ça la silver economy, et c'est vrai que souvent, même de plus en plus dans le milieu entrepreneurial, on montre toute la manne financière qui attend, donc j'aimerais bien que tu, avec cette question que je vais te poser, un peu cette parenthèse que j'ouvre, que tu nous expliques comment quelqu'un qui fait une école de commerce, elle se lance derrière dans quelque chose qui a plus de sens. Déjà, je t'entendais parler de ton parcours, de tes découvertes, de tes voyages, ton ami, la personne dont tu parlais, c'est pas Mathieu Dardaillon, Ticket for Change par hasard, parce que lui aussi en école de commerce, si je dis pas de bêtises, il est allé peut-être pas en Inde, peut-être aux Philippines, non, c'est pas lui. Hein. Lui, si, enfin, il y a Mathieu, c'est pas avec Mathieu Dardaillon qui, en tout cas, c'est impressionnant lui, tout ce qu'il fait, et Ticket for Change, c'est assez incroyable. Ouais, mais non, c'est un petit peu, je crois qu'on a dû partir un an après eux avec un ami qui s'appelle Vincent Juillard, là, qui lui aussi est assez engagé, qui vient de créer cofonder une structure qui s'appelle Little Big Impact. Il a créé ça il y a un an, mais voilà. Du coup, effectivement, on a eu cette réflexion à peu près en même temps. Un bon ami du collège. Et tu parles du Bangladesh. Je me rappelle aussi avoir souvent donné la parole à Corentin de Châtel-Perron, qui est un ingénieur qui, lui, était au Bangladesh. Elle lançait vraiment son aventure là-bas. Est-ce que tu peux témoigner un peu comme ça de de cet intérêt pour des personnes qui sont a priori un tout petit peu éloignées de ces questions sociales, solidaires, écologiques, en l'occurrence les ingénieurs et encore plus sans doute les jeunes diplômés d'école de commerce. Comment se fait ce lien et est-ce que toi tu témoignerais d'une envie grandissante de ce public-là pour les sujets que je considère un peu plus proches de, voilà, des questions sociales, solidarité internationale, etc., etc. Ou est-ce que finalement c'est un épiphénomène et il y a des personnes qui prennent la parole comme toi et qui font croire presque que en fait vous êtes plein? Je trouve que ça bouge. Corentin, je l'avais rencontré au Bangladesh et moi, c'est vraiment une des personnes aussi qui m'a inspiré parce que je trouve que c'est impressionnant ce qu'il fait et que je suis maintenant d'un peu loin. Mais en tout cas, tout cet engagement que moi j'avais vu au tout début quand j'étais au Bangladesh à commencer à imaginer des systèmes dans la low-tech, du coup, c'est vrai que c'est impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est là où je vois qu'il y a un changement et je suis assez optimiste. C'est que, par exemple, le M Lyon, une école de commerce qui est très connue en France, oblige ses étudiants à faire 50 heures de bénévolat pour valider des crédits. Du coup, nous, on a beaucoup de bénévoles de l'EM Lyon qui viennent. Et c'est là où je me dis qu'il y a un changement parce qu'il y a quelques années, il n'y avait pas ça. On devait de temps en temps créer une asso dans le cadre de son cursus, mais avoir vraiment cet engagement associatif d'aller sur le terrain, de comprendre ces problématiques obligatoires pour valider son diplôme. C'est là où je me dis que les choses changent et que effectivement ingénieurs, personnes en école de commerce, etc., de plus en plus sont attirés. Et des personnes qui ont bossé pendant longtemps dans la finance ou dans le conseil, qui aujourd'hui sont capables de diviser par deux, par trois leur salaire pour aller bosser dans le social, on dit que ça évolue. Et pour mettre de l'eau à ton moulin, c'est vrai que autant du côté des ingénieurs, il y a de nombreuses écoles qui m'ont donné la parole sur ces sujets et je sens que ça bouge. J'avais été notamment très marqué à l'INSA, si je dis pas de bêtises, Toulouse, non peut-être pas, je sais plus, à l'école en tout cas d'aéronautique de Toulouse, des ingénieurs là-bas. Dans tous les couloirs, il y avait justement des affiches sur le mouvement climat, sur l'urgence d'agir, sur les perspectives catastrophiques qui nous attendaient. Donc ça m'avait marqué. Pourtant là-bas, les écoles, les élèves, c'est quand même un rêve d'aéronautique, un rêve de spatial, et donc je trouvais que le grand écart était intéressant. Et il y a aussi de plus en plus d'écoles de commerce qui bougent sur ces sujets. Il y a l'ESSEC qui m'avait donné la parole et je sais qu'ils avaient offert mon premier livre à tous les étudiants l'année dernière. Mais il y a aussi, si je dis pas de bêtises, les élèves d'HEC Lyon qui avaient demandé à ce qu'il y ait un vrai cursus écologique. Tu as peut-être vu passer ça, non ? En tout cas, chez HEC, de plus en plus, moi, c'est quelque chose à la fin de mon école. J'avais fait un petit certificat entreprise et pauvreté à HEC, où effectivement, eux, ils sont beaucoup dans cette. De plus en plus dans cette dimension. Et c'est là où, effectivement, c'est. Et moi, j'avais rencontré des personnes, effectivement, très, très engagées, qui avaient cette volonté-là d'imaginer des solutions pour répondre aux différents enjeux sociaux, écologiques. Et du coup, ça, c'est. Ouais, ça, je trouve que c'est vraiment un. On en parle peut-être pas assez, mais en tout cas, on voit que ça bouge. Ouais, il y a un truc qui bouge. Et du coup, merci de me donner cette occasion d'en parler, de le mentionner. Je trouve que c'est quand même un des signaux faibles intéressants à avoir en tête de temps en temps quand on voit un peu à quel point les perspectives sont sombres. Et après, pour répondre à un procès que je ne te fais pas, celui de dire, tiens, il y a de l'argent dans la silver economy, c'est absolument là qu'il faut que je m'oriente. Pourquoi ce désir d'intergénérationnel quand en France, c'est en général quelque chose qui est peu valorisé, peu valorisant, financièrement parfois assez complexe? Moi, sur le côté de la silver eco, c'est sûr. Alors, c'est intéressant parce qu'il va y avoir il va y avoir deux mondes qui peuvent cohabiter dedans. Effectivement, un monde, on va dire, peut-être un peu plus social qui va être effectivement sur... beaucoup sur l'isolement, sur comment répondre à des problématiques sociales de personnes avec faible revenu, etc. Et tout un monde qui se crée et qui se développe de plus en plus sur comment faire du business pour répondre aux besoins du vieillissement et de la perte d'autonomie. Donc moi, je trouve ça vachement intéressant de comprendre les deux mondes parce qu'on peut faire du business et répondre à un besoin social. Et ça, je trouve que c'est des choses qui se développent pas mal. Après, je trouve qu'il y a avoir toujours quand même que le social reste la clé en faisant du business. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose presque la boussole même, non? Ouais, la boussole que effectivement, je trouve que si le business permet de faire vivre et de développer pour répondre encore plus à un besoin social, je trouve que là, c'est génial. Et moi, c'est quelque chose que aujourd'hui chez Dadi, notre modèle économique il est très faible, etc., et qu'on est encore en train d'essayer de trouver la bonne solution. Parce que je crois que si on veut être capable demain de créer des chez Daddy partout, il faut qu'on soit capable d'avoir un modèle économique puissant. Et que si toi, Julien, demain, tu te dis « Allez, moi, j'ai envie de créer un chez Daddy », mais que je te dis « Bah, par contre, tu ne gagneras pas ta vie », ça va être compliqué de te convaincre. On en aura toujours peut-être trouvé quelques personnes qui, je sais pas, sont capables de vivre avec... Oui, des jongleurs comme toi qui arrivent à créer ces partenariats qui font que ça marche. Mais on sent que, je ne sais pas si le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est vraiment bancal, mais on sent que c'est complexe à monter, en tout cas pour l'instant. Oui, en tout cas, on n'arrivera pas à toucher beaucoup de personnes. Si on arrive à ce que le personne qui crée un chez Daddy a un salaire minimum, et ben là on arrivera à convaincre du monde parce que le métier est extraordinaire, qu'on a, ça a du sens, etc. Mais qu'il faut qu'on trouve encore la formule qui fait que effectivement demain la personne qui crée un chez Daddy, on peut lui assurer un salaire minimum et que la personne s'y retrouve, parce que sinon on va avoir des gens qui vont ok de très bonne volonté, qui vont s'investir dedans et au bout de deux ans ils vont dire bah en fait je ne m'y retrouve pas et j'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc c'est là toujours cet équilibre qui est très délicat, et c'est pour ça que moi je trouve que le social et l'économique ne doivent pas du tout être dissociés, parce que les deux vont ensemble. Eh ben c'est justement un chez Daddy qu'on est là. Peut-être que vous qui nous écoutez, vous entendez en fond des personnes qui parlent, qui rigolent, qui échangent, parce qu'effectivement c'est un lieu de vie, même si pour l'instant ce sont pas mal des gens qui y travaillent. Le lundi est fermé, le café, donc même s'il y a la bonne ambiance des gens qui bossent, ça montre qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu l'as dit, vous êtes en train de construire, parce qu'en fait cette initiative elle reste toute jeune, et le travail que je fais avec 2030 Glorious, il est aussi un peu celui d'aller presque découvrir, lever le voile sur ces nouveaux métiers qui demain se normaliseront. Qu'est-ce qu'on y fait justement chez Daddy? Pourquoi c'est un café pas comme les autres? Est-ce que tu peux me décrire un peu son fonctionnement et ouais, peut-être nous donner à voir quelques moments de vie qu'on peut y trouver si on pousse votre porte? Ouais. Alors, chez Daddy, et le slogan, et je commence par ça parce que j'aime beaucoup ce slogan, c'est plus qu'un café, une seconde famille. Donc effectivement, on est à la fois un café qui se veut convivial, chaleureux, où tout est pensé pour favoriser la rencontre entre les générations au sein d'un café. Mais c'est plus qu'un café, il y a vraiment cette dimension de seconde famille où en même temps, on développe un réseau d'entraide de quartier. Et nous, et j'ai commencé par la partie réseau d'entraide, nous, les gens, quand ils arrivent au sein de chez Daddy, aujourd'hui, il y a 950 adhérents de chez Daddy, et c'est encore tout notre enjeu, c'est de vraiment qu'eux, ils se sentent appartenir à une seconde famille. Aujourd'hui, il y a un énorme enjeu d'isolement lié à le modèle familial un peu d'autrefois, est plus éclaté, les familles sont plus éparpillées géographiquement, donc on a beaucoup de personnes qui vont avoir, par exemple, âgées, qui vont avoir des enfants loin, donc même si les enfants essayent d'être présents, c'est toujours compliqué d'être présent au quotidien quand on est à 500 km de chez ses parents. Et du coup, c'est pour eux de se dire que eux, au quotidien, ils savent que je ne sais pas, s'ils perdent leur conjoint et qu'ils se retrouvent isolés, ils peuvent compter sur cette seconde famille pour garder, pour continuer à avoir des relations sociales. Ils peuvent compter sur cette seconde famille. Je ne sais pas, s'ils ont besoin d'aide, ils ne sont plus en capacité de changer leur ampoule sur ce réseau pour changer son ampoule. Et aujourd'hui, ce réseau d'entraide, c'est génial parce qu'effectivement, il y a déjà des relations qui se créent à travers le réseau d'entraide. On a eu récemment une personne, par exemple, qui avait posté pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider à apprendre l'italien. Et du coup, on a mis en relation. On a également dans ce réseau d'entraide mis en place un service véhiculé avec toujours cet objectif, c'est qu'avec le vieillissement, on peut avoir des difficultés après à se déplacer, et pour permettre à ces personnes-là de pouvoir continuer à participer à la vie de cette seconde famille. Donc cool, là c'est vraiment cette dimension d'entraide où on a également développé, par exemple pour quelqu'un qui se retrouve un petit peu isolé, c'est des personnes que soit nous on va appeler une fois par mois, soit qu'on va mettre en relation avec un bénévole du quartier pour justement que lui puisse voir régulièrement cette personne, garder du lien. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé pendant le premier confinement où il y avait des situations sociales très, très complexes. Voilà. Là, c'est pour la partie réseau d'entraide que généralement j'évoque à la fin, mais là, j'ai changé pour diversifier un peu. Mais après, il y a toute cette dimension qui, pour nous, qui fait partie de l'ADN de chez Daddy, c'est cette dimension de convivialité et de rencontre entre les générations. Et en fait, quand tu vas chez Daddy, tout est pensé pour favoriser cette rencontre. Donc, tu vas avoir généralement un tisseur de liens qui va être là pour t'accueillir à la porte, pour, si c'est ta première fois, pour t'expliquer qu'est-ce que chez Daddy, comment ça fonctionne, pour te remettre en relation avec des personnes du café. Chez Daddy, quand il va, il y a une particularité, c'est que tu n'as pas de table individuelle, c'est des tablés minimum de 6 personnes. Et donc, quand tu vas arriver, tu vas rejoindre une tablée et du coup, tout sera fait pour que tu puisses facilement papoter avec des gens de ton quartier. Au sein de chez Daddy, généralement, tout le monde va se tutoyer aussi, parce qu'on trouve que ça enlève des barrières. Et tout le monde peut être acteur. Donc les gens peuvent être acteurs financièrement parce que tout est à prix libre, donc voilà, les gens peuvent donner plus pour permettre de faire vivre le lieu, mais surtout les gens peuvent être acteurs humainement à travers différents ce que nous on appelle des pôles de bénévolat. Donc tu peux être acteur en devenant talentueux. Les talentueux, ça va être ceux qui ont un talent et qui vont animer une activité au café. Donc par exemple, tu sais tricoter, tu peux venir animer un atelier tricot. On va voir par exemple Serge qui est très bricoleur, qui va régulièrement animer un atelier réparation de vélo. On va voir des personnes d'origine étrangère qui vont animer un atelier pour parler de leur pays d'origine. On va avoir des ateliers manucure. Enfin voilà, on va avoir aujourd'hui, on a dû faire, je sais pas, à peu près 150 activités différentes grâce à des personnes du quartier qui ont un talent. Et ça, c'est génial parce qu'à la fois, ça permet aux gens du quartier d'apprendre grâce à leurs voisins et ça permet aux personnes qui animent les activités de se sentir utiles socialement, de valoriser leur savoir. Et je trouve qu'on a un gros enjeu en France de transmission et de favoriser la transmission de talents. Et effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont isolées, qui auraient tellement à transmettre et qu'en les enfermant dans leur isolement, du coup, il y a ce gaspillage. Ouais, sortir de cette routine où on se retrouve à passer la journée devant la télé parce qu'on n'a plus vraiment personne à qui parler, on n'ose plus pousser une porte et tout devient compliqué et on se met effectivement dans cette dynamique qui nous emprisonne petit à petit. Là, on a juste une porte à pousser et ensuite vous faites le reste du travail. Tout à fait. Et là, c'est Pauline qui est en charge de tout ça et en fait qui a ce don pour retrouver le talent chez les gens. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que tout le monde a un talent. Et nous, une des forces qu'on a, c'est que souvent on accompagne les personnes qui se disent non talentueux à dire finalement si j'ai quelque chose à transmettre. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des super expériences qui se vivent avec une personne qui dit oui, j'ai pu transmettre ça. Elle voit le sourire des personnes qui ont participé à l'activité. Et ça, je trouve que pour nous, c'est vraiment une réussite dans ce qu'on fait. Là, sur le mois de septembre, on est à 69, je te passerai tout à l'heure le programme d'activité, mais 69 activités qui sont réalisées dans le mois grâce aux gens du quartier. On imagine bien comment ça fonctionne, on imagine bien les sourires. Ce dont j'ai un peu plus de mal à me rendre compte, et ce sera ma dernière question sur le fonctionnement actuel de chez Dadi. Ensuite, on va partir en 2030 glorieuse et tu me raconteras tout ce qui est advenu. C'est quel impact sur les personnes âgées, mais aussi comment vous arrivez à dépasser, on va dire, ou à aller plus loin que les personnes intéressées par ces thématiques. Je vois par exemple, en face, vous avez une école, donc comment vous arrivez à attirer les jeunes, comment vous arrivez à créer du lien avec celles et ceux qui viendraient pas forcément au café parce qu'elles ont envie de ce petit truc en plus. Ouais. Ça, c'est une très bonne question et c'est un défi qu'on va se poser en permanence, c'est trouver l'équilibre entre toutes les générations. Pour nous, ce qu'on veut pas, c'est toujours quelque chose qu'on s'est dit, c'est que les gens ils se disent « Ah, chez Dadi, c'est un café de vieux. » Ou « Chez Dadi, ça devient un café pour les familles. » Ou « Chez Dadi, c'est le café des jeunes étudiants. » Et ça, c'est toujours l'enjeu, c'est de réfléchir comment, effectivement, on arrive à avoir toujours cette mixité. Aujourd'hui, on y arrive plutôt bien, alors avec sur des créneaux, notamment les mercredis, quand tu vas les mercredis chez Dadi, c'est extra. Enfin, t'as des familles qui viennent avec des enfants, t'as beaucoup de personnes âgées qui sont présents et on arrive à avoir vraiment cette mixité sociale et cette mixité générationnelle. Sur d'autres créneaux, on a plus de difficultés, notamment, tu viens les mardi après-midi, souvent ça va être majoritairement des personnes âgées qui sont là et l'intergénérationnel va plus se vivre parce qu'on a beaucoup beaucoup de bénévoles qui nous aident à tenir le café et va beaucoup se vivre grâce aux bénévoles ou grâce aux services civiques qui sont présents et qui vont faire vivre cet intergénérationnel, mais où effectivement on a encore des choses à voir pour comment peut-être faire des partenariats avec les écoles pour que pendant l'école ils puissent de temps en temps faire une sortie de classe au café, donc là on a encore des choses à imaginer, mais après pour que ça fonctionne, une fois qu'on y est, une fois que le mélange se fait, pour pas que les jeunes restent dans leur coin, les personnes âgées restent dans leur coin, ça c'est vraiment nous dans l'animation, donc à la fois dans les activités c'est un super levier pour ça, parce que souvent dans l'activité on va par exemple imaginer une activité aquarelle qui plaît à toutes les générations, souvent on va voir des personnes âgées et des jeunes à la même table en train de faire l'aquarelle ou pareil le tricot, où c'est souvent une personne âgée qui va animer l'atelier et qui va apprendre à un jeune qui en plus c'est tout maintenant avec le do it yourself qui se développe beaucoup, des jeunes qui vont et du coup la transmission va se faire là. On a aussi quelque chose qui se développe de plus en plus et pour nous je trouve que c'est des moments qui sont très très chouettes, c'est les repas partagés. En fait quand tu vas chez Dadi tu peux venir avec ton propre repas et il y a une tablée qui est installée ou plusieurs tablées qui sont installées et les gens mangent ensemble. Et là de plus en plus on a déjà les personnes de l'équipe qui vont manger, mais on a aussi des gens qui bossent dans le quartier qui vont venir, qui vont prendre leur sandwich ou le plat qu'ils ont préparé la veille et qui viennent chez Dadi pour manger. Et en même temps, les personnes âgées qui au-dessus de là où on est, c'est une résidence pour personnes, pour seniors. Et du coup, les gens, ils peuvent préparer le repas chez eux et venir en bas pour manger. Et pas mal de personnes du quartier, des résidences personnes âgées du quartier, qui vont venir ici pour manger. Et là, il y a toujours une super ambiance, parce qu'effectivement, à travers la nourriture, il y a souvent des liens qui se créent dans un cadre convivial. Et ben voilà, si vous êtes lyonnais de passage à Lyon, le café Chez Daddy, il est sur le plateau de la Croix-Rousse, donc c'est hyper accessible. Et il y en aura bientôt un qui s'ouvre dans le deuxième arrondissement de Lyon, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais. Là, celui à la Croix-Rousse, il est au 28 de Rue Cuir, ouvert tous les jours sauf le lundi. Donc week-end compris, le week-end c'est tenu que par des bénévoles, donc pareil, si vous êtes lyonnais et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à pousser la porte, à la fois pour passer un bon moment, prendre un verre, on a de la bière, du vin, des planches, mais aussi pour filer un coup de main. Ouais, l'appel est lancé, voilà. Cool. Merci Philippe, on va partir en 2030 glorieuse très très bientôt, là j'ai vraiment envie d'avoir ta vision, notamment sur ces questions intergénérationnelles qu'on aborde assez peu dans le podcast. Avant ça, tu es venu avec une lecture, une fenêtre de littérature, une bouffée d'inspiration qui nous donne à voir le monde que tu imagines en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Alors je t'ai ramené, c'est pas un bouquin, mais c'est un discours qui moi m'a marqué à chaque fois que si j'ai besoin de me booster, que j'écoute sur YouTube, qui est le discours de Martin Luther King, I Have a Dream. Et c'est vrai que c'est quelque chose en tout cas moi qui à chaque fois me donne des frissons quand je l'écoute ou quand je le lis. Du coup voilà, c'était ça le petit moment inspiration. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, nous devons nous élever jusqu'aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. Le merveilleux esprit militant qui a saisi la communauté noire ne doit pas nous entraîner vers la méfiance de tous les blancs, car beaucoup de nos frères blancs, leur présence ici aujourd'hui en est la preuve, ont compris que leur destinée est liée à la nôtre. L'assaut que nous avons monté ensemble pour emporter les remparts de l'injustice doit être mené par une armée biraciale. Nous ne pouvons marcher tout seuls au combat, et au cours de notre progression, il faut nous engager à continuer d'aller de l'avant ensemble. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Il y a des gens qui demandent aux militants des droits civiques « Quand serez-vous enfin satisfaits ?» Nous ne serons jamais satisfaits aussi longtemps que le noir sera la victime d'indicibles horreurs de la brutalité policière. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos corps, lourds de la fatigue des voyages, ne trouveront pas un abri dans les motels des grandes routes ou les hôtels des villes. Nous ne pourrons pas être satisfaits aussi longtemps que la liberté de mouvement du noir ne lui permettra guère que d'aller d'un petit ghetto à un ghetto plus grand. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps que nos enfants, même devenus grands, ne seront pas traités en adultes et verront leur dignité bafouée par les panneaux réservés aux blancs. Nous ne pourrons être satisfaits aussi longtemps qu'un noir du Mississippi ne pourra pas voter et qu'un noir de New York croira qu'il n'a aucune raison de voter. Non, nous ne sommes pas satisfaits et ne le serons jamais, tant que le droit ne jaillira pas comme l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Je n'ignore pas que certains d'entre vous ont été conduits ici par un excès d'épreuves et de tribulations. D'aucuns sortent à peine d'étroites cellules de prison. D'autres viennent de régions où leur quête de liberté leur a valu d'être battus par les orages de la persécution et secoués par les bourrasques de la brutalité policière. Vous avez été les héros de la souffrance créatrice. Continuez à travailler avec la certitude que la souffrance imméritée vous sera rédemptrice. Retournez dans le Mississippi, retournez en Alabama, retournez en Caroline du Sud, retournez en Géorgie, retournez en Louisiane, retournez dans les taudis et les ghettos des villes du Nord, sachant que de quelque manière que ce soit, cette situation peut et va changer. Ne croupissons pas dans la vallée du désespoir. Je vous le dis ici et maintenant, mes amis, bien que nous ayons à faire face à des difficultés aujourd'hui et demain, je fais toujours ce rêve. C'est un rêve profondément ancré dans l'idéal américain. Je rêve qu'un jour, notre pays se lèvera et vivra pleinement la véritable réalité de son credo. Nous tenons ces vérités pour évidentes, par elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux. Je rêve qu'un jour, sur les collines rousses de Géorgie, les fils d'anciens esclaves et ceux d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à table de la fraternité. Je rêve qu'un jour, même l'état du Mississippi, un état où brûlent les feux de l'injustice et de l'oppression, sera transformé en un oasis de liberté et de justice. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère. Je fais aujourd'hui un rêve. Je rêve qu'un jour, même en Alabama, avec ses abominables racistes, avec son gouverneur à la bouche pleine des mots « opposition et annulation » des lois fédérales, que là, même en Alabama, un jour, les petits garçons noirs et les petites filles blanches pourront se donner la main comme frères et sœurs. Merci Philippe. On a rarement l'occasion d'entendre le discours de Martin Luther King dans sa totalité, donc merci pour ça, même si c'est effectivement, comme tu le dis, qu'un passage. Ça donne envie, j'espère que les personnes qui nous écoutent auront envie d'aller le consulter entièrement. Martin Luther King parle des hauteurs majestueuses et il parle de ce rêve que j'invite tout le monde à faire, et c'est pour ça que c'est aussi important là que de faire ce rêve. Il le dit bien mieux que moi. J'aimerais t'emmener dans mon rêve, dans les 2030 glorieuses, dans un monde où on aurait réussi à mettre le vivant comme nouvelle boussole des croissances de notre société, le lien à l'autre, le lien aux autres espèces, le lien aux autres générations. Et ça y est, nous y sommes en 2030 glorieuse. On va faire cet exercice de pensée qui n'est pas évident, puisque nous allons désormais parler au présent, comme si nous étions vraiment en 2030 glorieuse, et parler au passé de cette époque révolue dont tu te rappelles peut-être encore, les 2021, où on avait un peu du mal à sortir de la perspective de passe sanitaire, d'immigration, de sécurité, de tous ces sujets qui encombraient notre esprit pour nous empêcher de rêver. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes en 2030 glorieuse. À l'époque, toi, en 2021, tu t'intéressais aux questions intergénérationnelles. Depuis, elles ont largement évolué, ces questions. À quoi elle ressemble ? Est-ce que tu peux me dire comment vont tes combats en 2030 glorieuse, Philippe ? Alors, ça va bien. Ça me paraît lointain, ce moment où, effectivement, on demandait un pass sanitaire et on demandait une vaccination pour les soignants. Et on était effectivement dans la peur de ne pas savoir vers où on va. Aujourd'hui, le monde va bien. En France, notamment, effectivement, toute la question d'isolement, qui, moi, est le sujet qui m'était très cher en 2021, qui m'est toujours aussi cher, mais effectivement, ça va mieux. Donc, ça me perturbe moins l'esprit. Mais ce qui est chouette, effectivement, c'est que partout, dans chaque quartier, dans chaque village, il y a des lieux de vie qui sont créés. Il y a des secondes familles de proximité qui sont créées. Donc, chacun a la possibilité, près de chez soi, d'avoir un lieu où participer à la vie de la ville, la cité, où rencontrer des personnes de toute génération, avoir des lieux où s'amuser, où transmettre ses savoirs, et savoir que le jour où on fait une chute, on se casse la jambe, on a des personnes de son voisinage qui peuvent nous donner un coup de main. Donc ça, c'est le monde d'aujourd'hui, et il fait plaisir à voir. Il y a encore du travail, et comme dit Martin Luther King dans « J'ai un rêve », tout n'est pas fini, parce qu'il y a encore des personnes qui passent sous les radars et qui restent seules, qui peuvent rester seules des journées chez eux, des semaines chez eux sans voir personne. Mais en tout cas, déjà, tout le monde a cette possibilité de voir. Et maintenant, on a encore pour les 30 prochaines années et les 2060 glorieuses, cet enjeu de, effectivement, ne laisser personne sous les radars. Comment on a réussi ça ? C'est l'essaimage de café chez Daddy partout en France ? Est-ce que, au-delà de cette recette que vous avez réussi à copier-coller, multiplier sur le territoire, il y a eu un encouragement du gouvernement ? Est-ce que vous avez transmis aussi peut-être certaines de vos valeurs, certaines de vos réussites à d'autres lieux ? Je pense au tiers-lieu, je pense à d'autres cafés associatifs. Comment concrètement ça s'est mis en place ? En fait, la première victoire, elle s'est passée hier, en 2020, pendant le premier confinement, où c'était dur, il y a eu un fort isolement, il y a eu un sentiment de peut-être d'abandon pour certains, un sentiment effectivement de restriction de liberté pour d'autres. Mais c'est à ce moment-là aussi où il y a eu un sentiment d'envie d'être plus proche dans son quartier, de participer à la vie de la cité, de rencontrer ses voisins âgés. Il y a eu cette prise de conscience sur, sur l'importance de l'entraide entre les générations. Et en fait, pour moi, le point de départ, il est là, avec en 2020-2021 encore beaucoup de frustration et de peur. Mais ça a été le déclenchement pour qu'effectivement, partout en France, il y ait des personnes qui nous ont contactés parce qu'ils aimaient le concept de chez les Daddy et qu'ils nous ont demandé si c'était possible de créer un lieu comme ça près de chez eux. Et du coup, 9 ans après, et ben effectivement, partout en France, on a encore quelques quartiers, quelques villages qui nous restent à toucher pour qu'il y ait des chez Daddy ou d'autres lieux semblables partout. Mais ouais, on a presque réussi cette vision, qui est la vision de l'asso, que nous on s'était fixé, alors pas en 2030, mais en 2035, que dans chaque quartier, dans chaque village, chaque Français puisse bénéficier d'une seconde famille avec un lieu comme à la maison pour s'y retrouver. Parce qu'en 2020-2021, au moment où toi tu déjà travaillais à cette concrétisation, c'était forcément un sujet, la question du vieillissement de la population, mais en 2030 glorieuse, c'est devenu quelque chose de préoccupant, de prépondérant. Pour vous donner quelques chiffres, il y avait des prévisions 10 ans en arrière qui se sont révélées exactes. Les baby-boomers nés en 45, ils ont 85 ans en 2030 glorieuse. Et on prévoyait une augmentation de près de 50% d'entre eux entre 2020 et 2030. Et ça s'est passé. Donc il y avait plus de 4 millions de 85 ans il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, ils sont plus de 6 millions. Donc ce vieillissement de la population, c'était une nécessité de l'adresser autrement que avec cette simple solution, on va dire, des maisons de retraite ou de l'isolement des personnes les plus âgées qu'on oublie. Ouais. Et là, je crois que la plus belle réussite qu'on a eue sur ces 10 années, c'est aussi un changement politique, et j'ose espérer que chez Daddy a pu y contribuer un petit peu sur l'importance à la fois qu'on a encore en ce moment, et où les Français font partie peut-être des meilleurs, de vieillir, enfin sur la santé, être capable de vieillir longtemps. Mais on a également beaucoup progressé là entre 2021 et 2030 sur comment vieillir en bonne santé. Et aujourd'hui en France, on a un énorme enjeu à ce niveau-là qu'on a réussi à concrétiser, à s'améliorer en 2030, sur comment avoir une politique pour effectivement lutter contre l'isolement, pour maintenir du lien social, pour maintenir de l'activité physique, pour faire participer, une fois qu'on arrive à la retraite, faire continuer à participer à les personnes, à la vie de la collectivité. Et là, c'est là où je trouve qu'on a beaucoup évolué et qui fait qu'on vieillit mieux et en meilleure santé. Tu parles du politique, effectivement, à partir du moment où on a réussi à changer la perspective de la simple croissance économique pour d'autres croissances, et qu'on a mesuré ces autres croissances, croissance de la régénération du vivant, croissance de la régénération des liens, croissance du bonheur, effectivement, les vieux, pour le dire comme ça, les anciens, ne se sont pas retrouvés démunis, puisqu'en fait, ils ne pouvaient plus participer à la croissance économique du pays étant la retraite. Au contraire, ils se sont retrouvés comme des composantes essentielles à travers la participation à tout un tas d'activités bénévoles que toi, tu voyais développer chez Café Daddy. Mais je pense notamment aussi à des activités de jardinage, à des jardins ouvriers qui ont repris la place à travers cet élan des jardins de la victoire qu'on revoit partout en France. Mais d'autres partages de connaissances. Le fait qu'on travaille moins, le fait qu'on ait aussi redistribué la richesse, à participer, à donner envie à d'autres de se connecter à ces générations qui savaient tout un tas de choses qui paraissaient désuètes en 2021 et qui sont devenues hyper importantes, hyper sexy presque en 2030 glorieuse. Ouais, effectivement. Et ça, nous, on a commencé à voir un peu les prémices en 2021 avec nos personnes âgées qui faisaient de la lecture de contes pour enfants, qui pouvaient donner un coup de main pour un cours à un jeune, pour apprendre à tricoter. Et c'est vrai que c'est chouette parce qu'en 2030, ça c'est devenu la norme, où chaque personne avec un talent a cette capacité de transmettre, et qu'aujourd'hui toutes les familles s'appuient sur les aînés du quartier pour effectivement à la fois l'éducation, parce qu'ils ont du temps aussi à transmettre pour aider effectivement aux devoirs, à cuisiner, à tricoter, à plein d'autres choses. Et c'est là où effectivement, en créant des ponts entre ces générations, on a réussi effectivement aussi à aider à faire grandir nos jeunes et qu'ils puissent apprendre de la richesse des anciens. La modification de nos lieux de vie aussi a fortement contribué. Avant, c'est vrai qu'on était chacun dans notre appartement, chacun déconnecté un peu dans notre petit cocon, et donc on avait du mal à voir cette vieillesse qui s'isolait de plus en plus. Mais aujourd'hui, à l'échelle municipale, par exemple, il y a la construction de cantines qui accueillent à la fois les élèves et à la fois les personnes des maisons de retraite, les plus anciens. Donc ça, ça a recréé du lien. Il y a tout un tas d'autres occasions de recréer du lien grâce, je pense aussi, au fait que les crèches et les maisons de retraite cohabitent sur certains temps ludiques, par exemple. Est-ce que tu en as d'autres en tête, des moments d'échange qui ont été facilités par la modification de la ville? Ouais, ça, je trouve que c'est un très beau sujet, un sujet essentiel sur la modification de la ville. Et moi, un des points qui m'est très cher, c'est aussi comment ouvrir les lieux aujourd'hui réservé aux personnes âgées sur le quartier. Et là, ce qu'on a fait avec l'ouverture de chez Daddy dans le deuxième arrondissement, qui est au rez-de-chaussée d'une résidence autonomie, donc une résidence réservée aux personnes âgées, c'est de créer un café pour que ce soit un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de transmission. Et ça, ce que je suis content, c'est qu'en 2030, toutes les nouvelles résidences pour personnes âgées qui se créent, tous les EHPAD qui se créent, sont pensées avec une ouverture sur l'extérieur. Et pour moi, la ville de demain, et je pense qu'il faut encore qu'on s'améliore, c'est que les villes, autrefois, étaient construites autour des églises. Demain, il faudrait qu'elles soient construites autour des résidences pour personnes âgées, autour des EHPAD, parce que c'est ceux qui ont le plus de difficultés à se déplacer et c'est ceux qui ont le plus de temps à donner pour aider les gens du quartier. Donc effectivement, je pense que la ville peut encore évoluer, mais qu'en 2030, on est pas mal. Les habitats participatifs ont aussi vachement changé la donne. Hein. On a des pièces communes où on partage toutes ces machines qu'on avait à l'époque, chacun chez soi. Je pense par exemple au lave-linge, je pense à tous les outils, à la tondeuse pour le jardin. Donc ça déjà, ça a permis de recréer du lien. On a des salles communes aussi où du coup, les personnes âgées peuvent, comme tu le faisais avec le café d'Adi, venir échanger, garder les enfants. Ça aussi, hein, le changement de nos habitats, ça a participé à remettre les anciens au cœur de la vie du quotidien et donc de leur redonner une utilité, ce qu'on voyait peut-être plus naturellement, plus traditionnellement dans les pays dits en développement, où on avait compris à quel point ces anciens, ils avaient une utilité sociale forte et éducative aussi. Hein. C'est la fameuse phrase qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Les anciens, ils sont là pour éduquer aussi nos enfants, ça change tout. Hein. Ouais, tout à fait. Et je pense qu'effectivement, les habitats et là, en 2020-21, on a vu que beaucoup de choses se créaient. Et ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, en 2030, on voit que maintenant, on est moins dans l'innovation et on a trouvé qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour favoriser ce collectif à la fois de génération, entre les générations au sein d'un immeuble. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse. On est passé de l'individualisme au collectif aussi grâce aux habitats. Et puis pour les anciens les plus actifs, les plus dynamiques, là où en 2020, dès qu'ils passaient enfin la retraite, ils étaient libérés et ils pouvaient monter dans le premier avion pour aller découvrir je ne sais quel pays à l'autre bout de la planète, dans un Club Med, dans des tours organisés. Là aussi, ils ont eu plus envie d'exotisme, mais d'exotisme à côté de chez eux, en faisant encore plus dans les associations, en faisant encore plus dans des voyages différents, je pense des voyages à vélo, je pense des voyages à cheval, je pense des voyages qui changeaient notre rapport aussi à la destination. Et ça, c'est comment le dire, c'est un attrait, c'est quelque chose qui a permis de reconnecter aussi notre génération des anciens au tissu économique local, au tissu associatif. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça a permis aussi de lutter du coup contre beaucoup de clichés, là qu'on appelle de temps en temps l'agisme, ou effectivement cette stigmatisation des personnes âgées. Et effectivement, le fait qu'en 2030, ils soient aussi impliqués dans la vie de la cité fait que on a retrouvé un peu le respect des plus âgés et cette envie d'apprendre en les écoutant. Donc ouais, ça, c'est une vraie réussite. Toi, Philippe, en 2030 glorieuse, tu fais quoi? Tu es toujours chez Café Daddy? Tu travailles au ministère du bon vieillir? Tu as une idée? En 2030, me connaissant, à mon avis, j'aurais sûrement créé autre chose qui me passionnera. J'espère avoir toujours un pied quand même dans le projet chez Daddy. Si on extrapole, tu as des idées déjà, des pistes de ce que tu aimerais explorer? Ce que tu explores en 2030 glorieuse? C'est pas des pistes, mais en fait, je trouve qu'à travers chez Daddy, il y a des milliards de trucs à créer comme derrière que les secondes familles puissent partir en vacances sur des vacances intergénérationnelles, sur créer des jeux de société intergénérationnels. On a, je trouve qu'il y a pas mal de choses à un rêve que j'ai eu récemment et aujourd'hui c'est pas le temps d'y penser, mais c'est aussi imaginer effectivement sur peut-être un réseau de commerçants qui acceptent par exemple de une personne âgée peut venir sans consommer, mais ils savent que là ils peuvent trouver une chaise, parce qu'aujourd'hui c'est aussi une problématique souvent des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, sur le chemin, de pas avoir de banc où s'asseoir, et du coup peut-être un peu ce qu'il y a avec les personnes de la rue, des personnes de la rue qui peuvent effectivement charger leur chargeur, le lien avec la cloche est évident, voilà, exactement, qui est par exemple la cloche pour les personnes âgées, où ils savent que dans ces réseaux de commerçants ils peuvent boire un verre d'eau et s'asseoir. Je trouve que ça peut être aussi une richesse, donc ouais, les idées vont pas manquer. Ouais, super, t'as commencé déjà à nous faire réatterrir en 2021, où on voit déjà tous ces signaux faibles des mondes de demain, et donc on parlait de la cloche, qui effectivement permet à toutes les personnes les plus démunies, les plus défavorisées, en général les personnes de la rue, de pouvoir accéder à des services gratuits, ou pas d'ailleurs, même à des cafés suspendus, à des repas suspendus, de manière à les reconnecter à la ville, de les reconnecter aux commerçants. Moi, je pense à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont envie, à travers l'action, de reprendre cet optimisme et puis aussi de contribuer à l'émergence de ces 2030 glorieuses. Tu auras sans doute un conseil à leur donner là pour les faire cheminer vers ces 2030 glorieuses qu'on a dessinées ensemble. Quel premier pas tu leur recommandes, ou quel pas supplémentaire tu leur suggères ? Le premier pas, c'est de ne pas avoir peur et de croire effectivement en ses rêves et en même temps se faire plaisir. Enfin, moi, je sais que je fonctionne beaucoup là-dessus. C'est faire des choses qui nous, où on s'éclate, où on se sent utile, on se sent à notre place. Et en même temps, on a un bonheur. Moi, aujourd'hui, en dehors de la dimension sociale, où c'est vrai que ça me valorise. Enfin, je me sens fier de me dire, c'est chouette, ça fonctionne. Mais c'est qu'au quotidien, je m'éclate avec l'équipe, d'aller bosser dans le café, de rencontrer des personnes où on voit qu'ils ont l'énorme smile. Enfin, pour moi, c'est vraiment ça aussi la richesse, c'est juste de se dire, dans mon quotidien, je trouve que j'ai le meilleur métier du monde, et ça me fait plaisir. Et quel pas supplémentaire pour creuser et accélérer ces questions, justement, du lien intergénérationnel à reconstruire, à renforcer ? Quel pas supplémentaire ? Je trouve que c'est... J'avais fait un travail avec Ashoka sur ce qu'il appelait les 5 R et cette réflexion sur qu'est-ce qu'il faut aussi changer. Et un truc où je trouve qu'il y a un gros travail à faire et qui est peut-être très compliqué, c'est sur les codes sociaux. Et en fait, ce côté où on a tous peut-être une certaine timidité, une peur d'aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, notamment quelqu'un de milieu sociaux différent ou d'un âge différent. Et c'est peut-être ça, ou peut-être que c'est dès l'école, ou réfléchir sur comment... tous ces côtés un peu de politesse, etc., où on est un petit peu gêné, on n'ose pas trop, c'est peut-être un travail à faire là-dessus. On a peut-être un petit pas sur être courageux et oser. Et je dis ça avec moi, franchement, c'est quelque chose où j'ai beaucoup de mal à faire. C'est pour ça que aussi chez Daddy Exist, c'est pour faciliter ça, comme des projets comme le Social Bar dont on avait parlé, effectivement, qui aident à ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie, mais effectivement, quand on va aller dans un café, si notre voisin nous parle, on va se dire c'est qui ce gars-là, il est bizarre, et on va tout de suite avoir peut-être des idées négatives, une connotation négative, parce qu'on n'est pas habitué à ce que quelqu'un nous parle, et on va se dire qu'il est lourd et qu'on n'a pas du tout envie qu'il nous parle. Donc, défi pour toutes les personnes qui nous écoutent, la prochaine fois qu'ils sont dans un bar, ils regardent la personne à côté d'elle qu'ils ne connaissent pas et ils lui disent « Bonjour, comment ça va ?» Ouais, ça me paraît un beau défi. Et si on vous envoie barrer ou si dans les yeux vous sentez qu'on vous prend pour un fou, et c'est pas grave. C'est bon pour l'humilité. Merci Phil. Rien, merci à toi. Et voilà, ça y est, cet échange avec Philippe Albanel se termine. J'espère que comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à creuser ces questions qui sont malheureusement trop peu mises en avant. À notre époque, on entend parler des plus anciens seulement à travers le prisme de la retraite ou de la sécurité, et alors qu'en fait c'est un sujet passionnant pour la société respectueuse du vivant à venir, puisque considérer nos anciens, réussir à faire en sorte qu'ils puissent vivre une vie digne, qu'ils puissent être valorisés dans leurs expériences, dans leur savoir-faire, continuer à créer du lien avec les voisins, avec la famille, forcément, avoir une utilité à tous les niveaux, c'est un enjeu primordial qui, à mon avis, ne peut être éviter au moment de radicalement transformer notre société. Et ce qui est génial avec le modèle chez Daddy, c'est qu'on voit bien la capacité à copier-coller cette initiative absolument de partout. Et en plus, sans forcément beaucoup d'obstacles, puisque le café Daddy pourrait très bien avoir sa place dès demain dans tous les lieux, les espaces communs des maisons de retraite, où malheureusement, actuellement, les personnes sont trop isolées. On leur sert une nourriture qui est, pour le moins qu'on puisse dire, assez peu avantageuse. Et on pourrait refaire de ces lieux de vie des cœurs battants de nos villes et faire en sorte que, en plus des familles, on puisse avoir, pourquoi pas, les travailleurs, les étudiants, les voisins qui viendraient y passer un moment, se connecter à Internet, manger leur repas, lire un bouquin et faire en sorte que ces lieux deviennent en fait des lieux de rencontre, des lieux de partage. Je suis, moi en tout cas, très heureux d'avoir pu donner la parole à Philippe et j'espère que cet échange il vous a enthousiasmé, il vous a donné envie de creuser ces questions davantage et pourquoi pas, vous aussi, de faire un pas supplémentaire vers ces mondes de demain, des mondes où on n'a plus peur de l'autre et on voit l'autre au contraire comme une richesse et on a forcément du coup beaucoup plus envie de leur parler. Je vous dis forcément à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de 2030 Glorieuse et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt. Salut! Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur ça commence par moi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !